Chapitre 2. Que l'auteur se félicite de ne pas avoir à lire. Je voudrais ne pas vous ennuyer, mes enfants. Je serais désolée que vous prissiez ce livre pour un livre sérieux, et cependant, je suis obligée d'esquisser en peu de mots les grands événements qui agitaient la France lorsque commence cette histoire. Prenez donc votre courage à deux mains et avalez ce chapitre sans respirer, comme vous faites lorsqu'on vous donne quelques médecines bien noires. Après le décès de Pépin le Bref, 768, ses deux fils, Carloman et Charlemagne, se partagèrent le royaume. Carloman, qui était l'aîné, eut la Bourgogne, la Provence, la Septimanie et une grande partie de la Neustrie. Il se fit sacrer à Laon le 9 octobre 768. Charlemagne eut l'Austrasie, une partie de la Neustrie, la Bavière et la Thuringe. Il se fit sacrer à Soissons le même jour que Carloman. L'Aquitaine fut aussi l'objet d'un partage entre les deux frères. Vous n'ignorez probablement pas que Pépin le Bref est le fondateur de la deuxième race de nos rois. La première, celle des Mérovingiens, n'était cependant pas éteinte lorsqu'il monta sur le trône. Les ducs d'Aquitaine étaient de sang mérovingien. Ils descendaient de Caribert, roi de Toulouse, fils de Clotaire II. Eudes, qui partage avec Charles Martel l'honneur d'avoir vaincu les Sarrasins à la sanglante bataille de Poitiers en 732, était de cette race. Hunald, fils de Eudes, au moment de la mort de Pépin, vivait depuis 25 ans dans un couvent où ce dernier l'avait fait enfermer. Grande était la haine des ducs mérovingiens d'Aquitaine pour les rois carlovingiens. Aussi, dès que Hunald apprit l'avènement de Carloman et de Charles, il sortit de son monastère, prit les armes et proclama l'indépendance de l'Aquitaine. Les deux nouveaux rois avaient lieu de redouter une pareille révolte qui pouvait, si elle n'était pas réprimée dès le début, réveiller et encourager les prétentions des descendants de Clovis sur la Neustrie. Charles convoqua un parlement et y appela son frère. Tous deux s'y rendirent suivis de leurs évêques, comtes et barons, et la guerre fut décidée en 769. Les deux frères passèrent ensemble la Loire, mais Carloman, qui avait un fort mauvais caractère, si l'on en juge par les chroniques du temps, engagea avec son frère des discussions si sérieuses au sujet de sa part d'héritage que l'on craignit un instant qu'il n'en vinsse aux mains. Ils prirent la détermination de se séparer. Carloman retourna à Laon et Charlemagne poursuivit seul l'entreprise. Ce dernier parcourut l'Aquitaine en vainqueur, comme l'avait parcouru Charles Martel. Hunald, poursuivi, traqué, se vit contraint à demander asile à son neveu Loup, duc de Gascogne. Loup, ne voilà-t-il pas un nom digne des plus beaux contes de fées? Et ce loup était vraiment bien nommé, comme vous allez voir. Dès que Charlemagne connut la retraite de son ennemi, il expédia plusieurs de ses meilleurs chevaliers au duc de Gascogne, lui mandant qu'il eût à lui rendre le fugitif, faute de quoi il entrerait dans ses états et ne les quitterait qu'après les avoir ravagés. En ce temps-là, on voyageait moins vite que de nos jours, mes enfants. Aussi Charlemagne, prévoyant qu'il aurait plusieurs mois à attendre, résolut d'établir son camp sur les bords de la Dordogne. Puis, pour mettre le temps à profit et ne pas laisser ses soldats inactifs, il fit élever à 5 lieues de Bordeaux une puissante forteresse qui prit nom Fronsac, ou plutôt Franciac, château des Français. Le château était à peine terminé lorsque les ambassadeurs revinrent au camp. Avec eux était Loup de Gascogne, lequel n'eut pas honte de livrer à Charlemagne, pour gage de vassalage, une halle de sa famille qui lui avait demandé asile. La révolte n'ayant plus de chef, l'Aquitaine fut soumise.